Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Gagné nous dit au revoir en nous offrant un dernier plat favori pour la route. Et on vous donne la chance de citer à la première heure de dérapage. On apprend aussi des choses dans cet effet. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 24 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. Oui, c'est la troisième émission avant la fin, c'est ça? Il en reste deux autres après celle-ci. Oui, il en reste deux autres, exactement. Pour l'année scolaire, évidemment. Pour l'année... pour la session hiver 2012. Voilà, on va être de retour à l'été dans une version estivale. Donc aujourd'hui, c'est pas la plus chargée des émissions. Demain et après-demain vont être pas mal pires que ça. Là, aujourd'hui, c'est quand même mollo avec Stéphanie Gagné à 7h30 avec ses chroniques. Ton plat favori, elle va nous présenter deux artistes, Eight and a Half. Et puis, Eight and a Half. Et puis la musique de Patrick Watson. OK. Donc j'ai hâte d'entendre ça. J'adore Patrick Watson, c'est bon ça? Ouais, c'est bien. Ouais. C'est très relax. Sinon, aussi dans l'émission d'aujourd'hui, la chronique Geek CNX et c'est un fait. OK. Donc, à moi, écoute, si on a de la chance, on va avoir Sébastien Dulude. Peut-être. Potentiellement. Peut-être. Probablement. Probentiellement. Probentiellement. Tu veux combiner les deux. Peut-être vers les 8h30 avec son éditorial culturel, son dernier de la session. Puis si on ne l'a pas, ben, moi, être poigné pour le lire, tu sais. Ah, ouais. On va mettre le choix. OK. C'est la dernière, là. Non, on l'a pas pour sauter par-dessus ça, là. Non, c'est vrai. Alors voilà, c'est le plan d'émission d'aujourd'hui. On va débuter en musique avec les fils de Brut. Voici la Malaville. 89 FM, c'est fou. À Trois-Rivières. Cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Mais pour vrai, j'en ai rien à foutre ici. Bienvenue à la Malavie. Succès souvenir de la formation Le Couleur. Succès souvenir. En tout cas, moi, je m'en souviens. C'est la pièce 2 et 2 à Assemblage Requis, un bon vieux classique. Si je ne me trompe pas, ça se retrouvait sur la compilation des francs couverts. Ça se peut très bien, oui, que ce soit, oui. En tout cas, Le Couleur, je ne sais pas si c'était cette pièce-là, mais... Le Couleur l'était, en effet, la pièce, je ne suis pas sûr. On s'en a entendu un nouveau succès presque du palmarès. En tout cas, ça vient d'entrer. C'est la formation Les Fils de Brut. Avec La Malaville, l'extrait de leur prochain album. En fait, leur album qui s'appelle La Révolte Cynique. Voilà. Merci. La Révolte Cynique. François, c'est ton tour maintenant pour les suggestions musicales. Hein? Oui, exactement. Écoute, on va aller écouter Rebel Crows. Juste avant, par contre, j'aimerais ça vous parler de l'Assemblée Générale annuelle qui va se tenir du groupe des médias étudiants, dont C'est Fou fait partie. C'est Fou, Zone Campus aussi est inclus. Donc, ça se déroule le jeudi 26 avril. À midi, au local 4839 du pavillon de la santé. Ça, c'est le pavillon à côté de la terrasse de la chasse-galerie. Ouais, exactement. Exactement. Donc, devant le casque. Écoute, on peut lire l'ordre du jour, d'ailleurs. Oui, allons-y. C'est tellement intéressant. Non, non, mais ça commence par l'accueil des gens. L'ouverture de l'Assemblée générale, nomination des présidents et secrétaires d'Assemblée, rapport du directeur général, adoption des états financiers 2011, budget prévisionnel pour le 2012, projet, élection du conseil d'administration, varia et levée de l'Assemblée. Fait que c'est vraiment le milieu qu'il faut retenir. Il va y avoir un projet. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Donc, venez en grand nombre. Évidemment, pour les gens intéressés, d'ailleurs, peuvent se présenter sur le conseil d'administration. Évidemment, on demande des gens qui représentent la population, qui viennent de la communauté. Donc, des gens motivés. Oui, c'est ça, exactement. Donc, pas obligé d'être étudiant. Et puis, évidemment, on demande des étudiants aussi. Donc, voilà. Ça sera jeudi. De toute façon, on va en reparler. Exact. Et c'est une très bonne occasion de participer à vos médias étudiants. On ne dira jamais assez. C'est Fou et Zone Campus sont très, très ouverts à votre participation. Donc, c'est important de vous présenter à cette assemblée-là. Et que lieu, on rappelle le jour? Jeudi. Jeudi à midi au 4839. Parfait. Donc, voilà pour ça. On va écouter Horrible Crows que tu nous suggérais. Oui, et la pièce Behold the Hurricane. D'ailleurs, que c'était sur le palmarès, je pense, en 2011. Ça fait déjà un an. Hey, on célèbre l'anniversaire de cette pièce-là. Tout ensemble, je requis jusqu'à 9 ans.

C'est vrai qu'il finit ses pièces comme des Game Over, Fear of Dark, hein? Ouais. T'as dit encore Game Over. Fini. Ouais. Tant mieux pour toi. Ah, tu sais, je veux vraiment te remercier de m'avoir montré l'homme qui faisait des nuages. Ah, ben ça me fait plaisir. À l'intérieur. C'est très cool. J'essaie de trouver comment il fait. J'ai de la misère à trouver. D'après moi, il doit pas le dire. Hein? Non, ben c'est ça. C'est un secret bien gardé sûrement pour lui. Il a travaillé si longtemps là, pour faire ça. Ouais. Au retour, la chronique ton plat favori de Stéphanie Gagné. Restez là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Mais respirer la fumée à l'assemblage requis. Hein? Oui. Oui. Oui. Hey, je pense qu'on est pressé parce que Stéphanie, on l'a fait attendre pas mal. Ben, pas tant que ça. Non, 15 minutes. Pas tant que ça. On avait pas de l'air fâché. Ok, bon. Ben, on va l'accueillir, Stéphanie Gagné. Voici son plat favori. Je suis ton plat favori. Je suis sur ton bistouri. Non, non, tu comprends pas. Stéphanie Gagné, bonjour. Bonjour. Oh, bonjour, Steph. Okay. Ça va bien? Comment ça va, toi? Ça va, ça va. Fin de session, hein, tu disais? Oui, fin de session. Il me reste juste 3 jours d'école. Tu sais, Stéphanie, qu'il faut pas lâcher. Je sais, je sais. Continue de travailler fort. Merci. Ouais. Il nous reste 3 jours, nous aussi, de quotidienne, en tout cas. Oui, exact. En comptant aujourd'hui. Oui, en comptant après aujourd'hui. Après ça, spécial l'été. Spécialité, exactement. Et on gardera les au revoir pour la fin, Steph. On va y aller avec du fun pour l'instant, là. Avec, avec tes plats favoris de cette semaine. Oui, mon premier, c'est Patrick Watson. Tout le monde le connaît. C'est un auteur, compositeur, interprète de Montréal. Mais est-ce que vous saviez, François et Mathieu, qu'ils jouent dans un groupe du même nom? Ah! Son groupe s'appelle Patrick Watson. Ah, ouais, c'est bizarre. Okay. Oui, dans le fond, lui, il a juste sorti un album solo en 2001, Waterproof 9, et depuis, c'est avec un groupe qu'il travaille. Dans le fond, il a commencé à travailler avec des musiciens, puis il pensait pas qu'il allait finir par former un groupe, puis jouer juste pour le fun comme ça, mais on commençait à connaître un peu de popularité, puis là, il était trop tard pour changer le nom, puis il s'était fait connaître sous le nom Patrick Watson. Alors c'est pour ça que c'est le nom du chanteur, dans le fond, mais c'est vraiment un groupe, en fait. Eh bien, Patrick Watson and the Patrick Watsons. Oui, c'est ça, ça ressemble à ça. C'est Patrick bizarre. Watson and Company. Ah. C'est bizarre, mais bon, c'est resté comme ça. Mais tout le monde pense que c'est seulement lui, mais non, c'est vraiment un groupe en entier. Et depuis leur début, bon, ils ont gagné le prix Polaris en 2007 pour Close to Paradise, aussi finaliste en 2009 pour Wooden Arms, nominé aux Junos pour meilleur artiste de la relève. Aussi, ils ont travaillé avec le Cinematic Orchestra. Patrick Watson, la personne, a coécrit et interprété des chansons avec le groupe Cinematic Orchestra, entre autres la chanson To Build a Home. Si je me trompe pas, j'avais déjà parlé de cette chanson-là dans un de mes plats favoris il y a quand même quelques mois. Il a aussi composé la trame sonore complète du film québécois C'est pas moi, je le jure, que j'ai pas encore vu. Est-ce que vous l'avez vu? Non, non. Moi non plus, fait que j'ai pas pu entendre la trame sonore, mais je vais essayer de faire ça bientôt. Et son quatrième album, ben leur quatrième album en fait, Adventures in Your Own Backyard, est sorti mardi passé. Et bon, il n'a pas encore connu de succès commercial avec ses albums, mais je tiens quand même à dire qu'il est numéro un au palmarès dans un certain magasin qui vend des CD où est-ce que ça donne que je travaille. Ah, ça peut être n'importe quel, il en reste tellement beaucoup des magasins de CD. C'est l'un ou l'autre, finalement. Mais c'est ça, il est numéro un, donc il y a quand même beaucoup de personnes qui attendaient cet album-là. Il pense quand même pas mal, c'est quand même le fun pour un Montréalais qui ne chante pas en français, que beaucoup de personnes peuvent trouver ça un peu agaçant. Ouais. Mais bon, il connaît quand même de la popularité, c'est le fun pour lui. Ouais. Et la chanson que j'ai choisie, c'est Into the Giants, qu'on va entendre tantôt. Mais je voulais vous parler de Eight and a Half, un groupe assez récent. Il y a 2 membres du groupe The Stills qui se sont séparés l'année passée en avril. Et le drummer de Broken Social Scene, Justin Peroff. Et leur premier album est sorti il y a 2 semaines. Et selon Exclaim.ca, ils sont déjà en train de commencer à écrire pour un deuxième album. Mais bon, on va se concentrer sur le premier album. C'est quand même très différent de The Stills. C'est beaucoup plus tranquille. Moi, ça me fait penser à du Sigur Rós, mais version montréalaise, version plus québécoise. Et ils ont sorti un single, c'est Scissors, avec un vidéoclip. Et c'est cette pièce-là que j'ai choisie. Parfait, on va l'entendre ça dans quelques minutes. Avant ça, par contre, je pense que François a un petit quelque chose pour toi. Stéphanie, je t'ai écrit un petit poème. J'ai hâte de voir ça. S'il vous plaît, ne ris pas. Écoute, ça va comme suit, OK? Stéphanie Gagné, tu peux dire que je t'ai maltraité, écœuré ou achalé. Mais sache que ton absence va créer un vide et que nous sommes peinés. Évidemment, j'inclus Mathieu Plante ici. Ben oui. Tu vas manquer à Dude pendant au moins 1 semaine. Dude, c'est toi? Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Elle m'a appelé Dude tantôt. Donc, non, sans blague, Steph, merci pour tout, sans rancune. Non! Oh, je vais pleurer. Ah non, pleure pas, là. Pleure pas, c'était gentil. Une déclaration, ça. Oh, c'est cute. Oh. Non, sérieux, tu vas le manquer. Et puis, écoute, ça fait longtemps que tu participes à Assemblage Requis. Oui. Oui, ça fait quoi, 2 ans et demi? Oui, facilement. Tu avais commencé, je crois, au début de l'année, de notre première année. Et ça fait 3 ans, ouais, 2 ans et demi. Ouais. Fait que, écoute, on peut juste te souhaiter du bonheur et puis une belle continuation. Je sais pas, Mathieu. Tout plein de succès et tout plein de toutes les choses que tu veux, finalement, et les raisons pour lesquelles tu étudies en radio sont sûrement assez évidentes. Donc, on te souhaite tout le succès que tu peux avoir là-dedans. Et puis, moi, je te remercie personnellement d'avoir co-animé avec moi tellement longtemps, participé avec des chroniques, participé avec juste ta bonne humeur et tout et tout. C'était fantastique de t'animer avec toi. Merci. J'ai vraiment aimé ça. Donc, merci en beaucoup. Cas, Steph. Si jamais cet été, je passe à Trois-Rivières un jeudi, je vais essayer de passer ou voir. Quand tu veux, Steph. Génial. Oui. Merci. Puis, bon été pour l'instant. On se dit pas adieu. Là, c'est juste bon été. Non, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Voilà. Salut, Steph. Merci. Bye. Bye. Je me suis réconcilié. Ouais, t'as bien fait ça. was running fast. While we were walking so slow, well, I watched us grow and grow. Carried our love in cups to go. Patrick Watson avec Into the Giant, ça finit comme ça. Avec, ça finit comme ça? Oui. Ben, ça doit continuer. Ben, sur une autre pièce sur le CD, j'imagine. Donc, Into the Giant, c'est le nom de la pièce. Avant ça, on a entendu Eight and a Half avec Scissors, les deux choix de Stéphanie Gagné pour sa dernière chronique de ton plat favori. Et pour compléter le plat favori, c'est les crudités de François-Olivier. Oui, exactement. Écoute, ce matin, en fait, fort simple, mes crudités. Si vous allez sur la page de Google aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a une fermeture éclair en plein milieu. Donc, en fait, on peut la descendre. Et là, évidemment, ça rouvre Google. Et c'est pour rendre hommage à l'inventeur, en fait, de la fermeture éclair, bien entendu, qui s'appelle Gideon Sandback. Évidemment, c'est un Suédois qui est né le 24 avril 1880. Donc, ça fait quand même 132 ans. Et bravo pour le calcul mental. Quand même pas pire, j'aurais pas réussi ça. Ben non, voyons donc, Mathieu. Ben, ça aurait pris plus de temps que toi. Ben, faut dire qu'il est écrit, donc. Ah, bon. Ça, ça peut, mérite, ça peut me donner une chance aussi. Alors, c'est une invention aussi qui évidemment, on utilise à tous les jours, hein, encore aujourd'hui. Donc, forte invention. Et très belle. Très belle façon de rendre hommage. En oui, fait, c'est bien fait. À cet inventeur. Donc, allez voir ça. En fait, vous allez sûrement le voir si vous tapez Google aujourd'hui. C'est très beau. Très, oui. très joli. C'est très bien fait. Merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu. Et pour accompagner les crudités, après ça, à la fin du repas, c'est évidemment le dessert des issues de Mathieu. Et je me suis dit aujourd'hui, vu que c'est la dernière chronique de Stéphanie, je peux pas vraiment passer à côté de dire que mon dessert, c'est Stéphanie gagnée elle-même. Oh! Ah ouais. Ouais, parce que, ben, tu sais, on a animé pas mal ensemble. Hein. Je le disais tantôt, je faisais référence. Elle a commencé seule en animant les Pimbèches en mission, ici, assez fou. Après ça, c'est devenu une Pimbèche en mission. Après ça, vu qu'elle animait son émission juste après nous, après Assemblage Rocky, dans le temps que j'animais avec Kiwan, on lui a demandé, Steph, une chronique, ça ne te tenterait pas? Et elle a fini par accepter après l'avoir gossé quelques fois. Ça a pris un petit peu de persuasion pour réussir à la convaincre de faire sa chronique Ton plat favori, qu'elle a commencé, donc c'était en janvier, ou en tout cas au début de l'année 2010. On a commencé l'émission en 2009, Assemblage Rocky. Après ça, ben tant qu'à faire une chronique Ton plat favori, elle s'est dit, je vais faire d'autres chroniques. Donc elle a amené Take Me Out, sa chronique sur les suggestions de sortie. On s'appelle le Take Me Out, c'était très bon. Guess What aussi sur les actualités, ouais. Les nouvelles du monde artistique. Ouais. Après ça, ben tant qu'à faire des chroniques, j'ai demandé, hey, ça tente-tu d'animer avec moi l'été, hein? Parce qu'Assemblage Rocky a lieu l'été à chaque semaine, et puis elle a accepté, donc on a animé pendant une session complète Assemblage Rocky en version estivale. On a fait des entrevues avec plein d'artistes comme We Are Wolves, Le Husky, Random Recipe. Elle nous a parlé des Mardis de la Relève sans cesse cet été-là, je me rappelle, c'était très très le fun. Et puis Stéphanie, ben on va s'ennuyer de toi, c'est la fin d'une histoire, d'une longue histoire. Mais c'est ça, c'est fini. Il y a une couverture à m'amener au livre. Ah oui, c'est ça, c'est fini. Il peut pas être sans fin, ce livre-là. T'as comme terminé ça, mais... Tu trouves, mais c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est fini. Qu'est-ce que je dis de plus? C'est une bonne fille, puis je vais m'ennuyer d'elle. Bon, Stéphanie, on va s'ennuyer d'elle. Ben oui. Je dirais bien, on te retrouve la semaine prochaine, mais non, c'est fou. Non. Nous, par contre, on va vous retrouver dans quelques minutes pour une deuxième heure d'Assemblage Rocky. On va avoir bien du plaisir avec la dernière chronique pour la session de Sébastien Dulude. Pardon, Sébastien Dulude. Oui, tout à fait. J'y suis, ça sera bien tantôt vers les 8h30. Sinon, on va avoir la chronique C'est un fait Quickie Edition. Arrivé dans la deuxième heure. Génial. Pour l'instant, on prend une pause. Une petite pause. Est-ce que je peux finir quelque chose d'autre d'abrupt comme ça, peut-être juste comme... comme la pièce de Patrick Watson, ouais, et mes remerciements envers Stéphanie. Mm. Ben j'aime ça, moi, abrupt. C'est interruptus, comment on appelle ça? Interruptus? Interrompu, là. Qu'est-ce qui est interrompu dans la vie? Ah, oups, tu l'as dit. C'est pas. Ouais. Il l'a dit. C'est pas Mathieu Plante qui l'a dit, là. Ben non, non, non. Je me suis retenu. Oh, c'est ce qu'il disait hier, d'ailleurs. Hein? C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Rocky. Bon matin, on est mardi 24 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. C'est la deuxième heure d'Assemblage Rocky. C'est une émission matinale en pièces détachées. Hein? Oui. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, tu sais, tantôt, là. Ouais. Il y a à peine peut-être 5 minutes de ça, là. Ouais. On parlait avec Stéphanie Gagné, j'ai dit salut et tout ça. Puis je m'étais dit, crime, ce serait donc beau comme finir la chronique avec genre la chanson thème de ton plat favori, tu sais. C'est ça. Sniff. Et là, vous vous demandez, mais combien de temps ça va lui prendre avant de se rendre compte que c'est un loop? Eh bien, moi, j'estimerais environ 2 minutes. C'était Decepticon de la formation Le Tigre, précédé de son plat favori de Malajub. Pour ceux qui ne reconnaissaient pas la chanson, ben c'était Maintenant que je parle, ça a plus de sens. Hein? Les pains bêches. Les pains bêches. Il a parlé par-dessus le début, c'est pour ça. Là, c'est la chanson thème d'une pain bêche en mission, l'émission de Stéphanie Gagné qui nous quitte aujourd'hui. Et puis, ton plat favori étant évidemment l'introduction de sa chronique, ton plat favori ici même à Assemblage Requis. Et désolé pour mon manque de présence ici. Allons. Voilà pour ça, je pense qu'on va passer à autre chose. Ça te dérange pas trop? Ben oui, allons-y. Moi, j'ai envie de me renseigner dans la vie, moi. Parfait. Et j'ai envie même de faire ça ben vite en succession, comme... C'est un fait Quickie Edition. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, que des choses qui sont vraies. Des vrais, des vraies affaires. C'est comme TVA, ils disent la meilleure information. Quand tu dis ça, c'est que c'est donc évidemment la meilleure information. C'est vrai. Comment contredire ça? C'est un slogan. Tu peux juste pas. Donc allons-y avec des faits en rafale, tiens, Quickie Edition. La gymnophorie, qu'est-ce que c'est la gymnophorie? C'est l'impression que quelqu'un te déshabille mentalement. La gymnophorie. La gymnophorie? Phorie. Non, pas phobie, ce serait sûrement, j'imagine, avoir peur. Mais ça, je sais pas. Ça le dit pas. Eh bien. Le deuxième auteur le plus traduit au monde, c'est Jules Verne. Et dans le top 50, il y a même pas J.K. Rowling ou encore Terry Pratchett ou d'autres auteurs très, très connus. Ils sont pas dans le top. C'est bizarre. Eh bien. Alors que là, tu me demandes, j'imagine, une question de suivi un petit peu, c'est quoi le numéro 1? S'il te plaît. Je pourrais pas parler du numéro 2 sans faire le numéro 1. L'auteur le plus traduit dans le monde, c'est Agatha Christie. Oui. Shakespeare arrive en 3e et Tolkien en 39e place. Et en moyenne, les gens ont moins d'amis que le nombre d'amis que leurs amis ont. Attends, répète ça. En moyenne, la plupart des gens, OK, la plupart des gens, ça va, ont moins d'amis que leurs amis ont d'amis, eux. Toi, t'as moins d'amis que ton ami a d'amis. OK. On appelle ça le paradoxe de l'amitié. Toi, t'as moins d'amis que ton ami a d'amis. OK. Pourquoi? Ça sort de où? C'est comme ça. C'est un paradoxe de l'amitié. Très bien. Le Niger, c'est un pays, ça? Moi, je pense que oui. Ouais. Fait plus de films par année que les États-Unis. Ah, ouais. Eh ben. Plus de la moitié de la population du monde a en dessous de 25 ans. La moitié du monde a moins d'un quart de vie. Genre, c'est quelque chose quand même. Les jeunes, la moitié du monde, c'est 25 ans et moins. Plus du tiers des 43 983 aéroports, parce que j'aille ça, quand les gens disent aéroports, ça m'énerve, ça me fait friser les oreilles, mais je le dis des fois sans faire exprès, aéroports. Donc, il y a 43 983 aéroports dans le monde, et plus du tiers sont aux États-Unis. Est-ce que c'est clair? Quand même. Bon. L'âge minimum requis, pour l'armée de la Corée du Nord est de 4 pieds 8 pour entrer dans l'armée de la Corée du Nord. Je pense qu'on peut pas dire 4,8 pieds parce que 4,8 ce serait, c'est pas la même chose que 4 pieds 8. Pas la même chose. On s'entend. En août 1914, les hommes devaient avoir 5 pieds 8 pour entrer dans l'armée britannique. Et en octobre de la même année, on avait réduit ça à 5 pieds 5 parce qu'il y avait pas assez de monde qui s'inscrivait. Ouais, c'est tout le temps ça. Et en novembre, on a descendu ça à 5 pieds 3. Dans l'armée britannique. De toute façon, la grandeur, tu sais, tu peux être quand même utile, là. Ça, exactement, exactement. On voit pas en quoi ça change. Tu te faufiles plus facilement à des endroits, tu te fais moins voir, peut-être. Ouais. Bizarre. Plus de la moitié de la population mondiale est bilingue. Bilingue. La moitié. C'est bien. En 2008, il y avait 35 112 terrains de golf dans le monde au complet. Et la moitié était aux États-Unis. 35 112? 35 112. Dans le monde, là. Et la moitié aux États-Unis. Eh bien. Eh bien. Tu vois, je fais la chronique Quickie Edition beaucoup plus vite, mais je dis chaque fait deux fois. Il y a plus d'organismes vivants dans une cuillerée de terre qu'il y a de monde sur Terre. Tu comprends? Okay, ouais. Toute la Terre au complet, donc dans plus d'organismes vivants dans une cuillerée à thé. Quand même. Pas à soupe, là. Cuillerée à thé de terre. Eh bien. Dans un sondage de la compagnie Retrevo, 36% des gens en dessous de 35 ans disent qu'ils vérifient ou ils vont voir Facebook ou Twitter quand ça, après avoir fait l'amour. Mais... 36%. Ça, c'est les gens en dessous de 35 ans. Moi, ça m'impressionne. Il me semble que c'est pas le moment. Les Simpsons ont commencé à la télé au Tracy Ullman Show. Vous saviez peut-être ça. C'était des petits courts-métrages à l'intérieur d'une émission à sketch de Tracy Ullman. C'était il y a 25 ans, en date du 19 avril. Et c'était d'ailleurs le 25e anniversaire du réseau Fox la semaine passée, ou en tout cas cette année. Ils ont repassé le premier épisode des Simpsons à la télé tel quel, comme si on était il y a 25 ans, c'est une bonne idée. Mais je l'ai raté. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai raté. Ils ont repassé aussi la première de Married with Children, une émission que j'aime beaucoup et que je vous conseille. Voilà. Ensuite, parlons de Richard Nixon, qui stressait par rapport à ses notes à l'école. Il était à l'école en loi, ouais. Richard Nixon. Donc, il est entré dans le bureau du doyen de son université pour voir, en fin de compte, dans les papiers qui étaient au sommet de sa classe. Il stressait, il pensait qu'il était pas bon. Il était number one. C'est Dick Nixon. Un autre mot à définir, tiens, qu'est-ce qu'un tyrosémiophile? Oh, là, je sais pas. Tyrosémiophile, c'est une personne qui collectionne des étiquettes de fromage. Il y en a qui collectionne n'importe quoi. Vraiment, là? Fou, n'importe quoi. Seulement 3 endroits sur Terre ont changé de bord de la route avec leur voiture. Tu sais, on conduit à droite des routes. Il y a des pays qui conduisent à gauche, ouais, des routes, exact. En Grande-Bretagne, etc. Donc, il y a seulement 3 places qui ont changé de bord, qui sont passées de la droite à... Attends, c'est ça? À la gauche ou de la gauche à la droite? Passées de droite à gauche. Okay. C'est le East Timor en 1975, Okinawa en 1978 et Samoa en 2009. Ouais, ils sont passés de la droite à la gauche. C'est bien. Avant que Google lance son service Gmail de courriel, tu sais, Gmail, on adore ça. Ah, c'est formidable. Fantastique. Mais avant ça, Gmail, Mail, c'était le nom d'un service de courriel gratuit sur le site web de Garfield qui offrait aux fans des courriels de la part du chat Garfield. C'était Gmail. La famille américaine moyenne qui a des adolescents, donc famille avec adolescents moyenne, va dépenser 1078$ sur le bal de fin d'année cette année. 1078$ pour un bal. Quand même, c'est cher. Moi, je trouve ça beaucoup trop cher pour un bal. Tout à fait. Et pour terminer, on nous dit que pour économiser de l'argent quand tu magasines, OK? Ouais. Il faut juste pas toucher à rien. Parce que toucher à un article rend plus probable l'achat à la fin. Vous allez vouloir payer. Ah, tu l'as en ta possession? Oui. Puis tu le touches, tu sais qu'il y a de qualité, tu sais, ça n'a pas l'air cheap dans ta main ou c'est quelque chose du genre. Parce que des fois, quand ça a l'air cheap, tu l'achètes pas. Moi, c'est mon cas. Donc, ne toucher à rien et vous allez rien acheter. Eh voilà. Bien. Pour la collègue, c'est un fait, c'est tout. T'es cookie pas mal, hein? Très bien. Pire, ça. Merci, Matt. Ça fait plaisir. Alors, on écoute du Yukon Blonde sur leur album Tiger Talk. Voici Stairway. I'm hoping, that I could be home right now. The feel of the breeze, smell of the trees under my brow. fun day ici. Every time my body turns to liquid and my emotion gets through me, through my eyelids. Are you coming to take me away? Please come on and take me. Bonne nuit, mon cœur, de Waving Hands. J'adore cette pièce-là. Oui. Au retour, la chronique de Sébastien Dulude va voir ailleurs, j'ai suivi. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Angélie Durocher nous donne un avant-goût du spectacle de fin de session de l'UQTR. On s'endort avec une autre comptine de Jasmine Raymond-Dréville et la chronique de David Ferron, graine de pivot. Soyez-y demain, dès 7h, à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Personne ne scandale et ne tourne le soir. Il est sur les sons. les Breastfeeders. Poupée à dormir debout. Assemblage requis. Mathieu Plante. Ouais. François Olivier. Non. Non. Oui, oui, oui. Ah, François Olivier. Ok, j'avais entendu d'autres choses. C'est moi. Ouais. Qu'est-ce que t'avais compris? Je sais pas. François Olivier. François Olivier. François Olivier, il y en a qui pensent que c'est ça. Ah, oh, mais c'est pas ça. Maintenant, tiens, François, je t'annonce que c'est la dernière chronique, en tout cas pour l'instant. C'est pas encore officiel qu'il revient jamais. Là. Il y a toujours des chances qu'il revienne. Sébastien Dulude. Et okay. Puis, on lui dira au revoir tantôt, hein, François. Ah oui, certainement. Pour l'instant, c'est Voix Voyeur, j'y suis. Eh bien, bonjour, bienvenue à la dernière chronique Va voir ailleurs, j'y suis. C'est Sébastien Dulude au micro. Et cette semaine, pour terminer en beauté, j'y vais avec une valeur sûre, une petite chronique mondaine, ça faisait un bout de temps. Et c'est un gros printemps, hein? Un gros printemps qui se dessine. Alors, petite chronique mondaine d'un gros printemps. Vous vous souvenez, on a eu quelques jours de canicule, il y a à peu près 10 jours, là. Mais depuis, le beau temps se fait passablement désirer. Mais rassurez-vous, la belle saison approche, hein. Et que demander de plus à Trois-Rivières? Tout va vraiment pour le mieux. Il manque que le beau temps, mesdames les marquises. Je vous dis bonsoir. Ici Roland Payan, votre chroniqueur mondain, à l'affût des plus importantes anecdotes de nos illustres concitoyens. Et ce, pour notre plus futile plaisir. Hey, on sait que plusieurs étudiants sont en grève ces jours-ci. Je trouve vraiment que ce sont de gros bébés gâtés. Ils n'ont aucun sens de la réalité, les étudiants. S'ils connaîtraient la valeur de l'éducation, les étudiants, ils investiraient le petit 300$ de plus dans leur avenir. Non, à place, ça bloque des rues, ça chante des chansons que personne connaît, ça monte des pancartes. Moi, je comprends rien à leurs pancartes. Printemps érable, là. Voulez-vous bien me dire c'est quoi le rapport du printemps érable? Moi, je dis au boulot, les flâneux, hein? En veux-tu un arbre? Un boulot! Ah, mais de toute façon, moi, je n'ai que des bons souvenirs de l'université. La session que j'ai passée à l'université a changé ma vie. J'ai fait des rencontres, des filles, j'ai fait des chums. D'ailleurs, c'est à l'université que j'ai compris que mon domaine d'études ne mènerait à aucun job assuré. Imaginez. Pensez-vous que j'ai niaisé là longtemps? Non, mais quand tu sais qu'il n'y en a pas de job dans ton domaine, là, c'est quoi l'idée de continuer d'étudier, là? Ah ouais, esti, le cave, paye si tu veux rester là? Ah non, des bons souvenirs, par exemple. Je me souviens de l'Utrecht. Ça, c'était le bon vieux temps. Oh, l'Utrecht. Des bons profs. Il y en avait un ou deux, là, on le croisait des fois là, à l'Utrecht, je me souviens. Oui, une fois aussi, une gang, on avait discuté d'un sujet vraiment sérieux, là, la grosse politique, là, des affaires super importantes. Là, je me souviens pas exactement de quoi on parlait, là, la musique était forte, là, mais ça discutait. Aussi, j'ai eu des cours là, dans un pavillon là, à côté de l'Utrecht, là, je me souviens, là, on passait par là. En tout cas, moi, je peux en témoigner, l'université, c'est vraiment enrichissant, mais à condition de ne pas tout flouber à l'Utrecht. Bon. C'est pas tout ça, la grève des étudiants, là, quand même. Il y a aussi plein de bons vieux monde, du monde vaillant qui travaille fort. Puis quand je croise au 5 à 7 en fin de journée, je peux te dire qu'on a mérité notre sangria? Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui marchent dans les rues, puis il y en a d'autres qui s'assoient, puis qui font ce qu'on leur dit de faire, hein? C'est pas pendant une parade que le compte de Belle se paye, hein? Bon, parlant de Belle, je pense changer de compagnie de téléphone cellulaire bientôt. C'est le maire Yves Lévesque qui m'a parlé de son forfait l'autre soir au Carlito. Carlito, ouais, j'en profite pour saluer la belle Manon qui a eu 40 ans la semaine passée. La vasectomie de son mari a bien été, les enfants vont bien aussi. Le plus vieux a scoré 78 au golf l'été passé. Ouais, ça fait que mon Yves, toujours branché sa technologie, il m'a expliqué dans le creux de l'oreille que son cellulaire pouvait capter 7 autres lignes de téléphone. Pour résumer, là, même si j'ai pas tout compris, notre bon maire a fait relier 7 autres cellulaires qui peut écouter en tout temps sans frais supplémentaires. Il m'a confié que ça lui permettrait de rester au courant de tout ce qui se passe dans 7 districts municipaux qu'il avait judicieusement ciblés. Hey, sacré Yves, un vrai workaholic, tout pour la bonne gestion de notre ville. Oh, un autre signe qui se passe des choses pas mal hot à Trois-Rivières. Moins de 4 mois avant le retour du Grand Prix de Trois-Rivières? Oh yeah! Moi, je trépigne d'impatience de goûter à nouveau à tout ce bouillonnement culturel. Les belles voitures, les belles femmes, les longues nuits. Édition importante cette année, d'ailleurs, avec un nouveau directeur en remplaçant de mon chum Frank Bordelot. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, le nouvel élu, l'autre soir. On était à l'essentiel. Puis, de mémoire, j'ai dit « Hey, Doom, si tu veux que ton Grand Prix marche, là, niaise pas ses passes médias puis tes coupons de boisson. » Et il m'a promis un fun noir. D'ailleurs, sa très charmante épouse Sin l'accompagnait, superbe dans sa robe rouge, une confection exclusive de chez Smart Set. Pendant que Doom était occupé avec la facture, la discussion allait bon train entre nous deux, moi et Sin. Je vous dis qu'on avait la mèche courte. Parlant de mèche, d'ailleurs, on a réalisé qu'on avait la même coiffeuse, Jas, célibataire, 38C, qui reste avec Anco. Elle a arrêté de fumer depuis 6 mois, puis elle a connu une excellente pêche au poisson des chenaux cet hiver. Moi, ben moi, qu'est-ce qu'il reste à faire? À se souhaiter du beau temps, bien entendu, pouvoir se reposer de tout ça, tu sais. Puis s'il fait un peu froid, ben on se réchauffe en chemin, hein. D'ailleurs, on peut se voir demain soir, c'est au tour à Jean-Marc de payer, hein. Mon Jean-Marc, t'oublies pas ta gageure. Fait que, ben bon printemps, même aux étudiants, hein, ça va avoir l'air fin cet été à l'université à reprendre le cours, hein, et dire que l'Utrecht est fermé. Puis nous, ben on se reparle à l'automne. Merci, je vous adore, et on se voit bientôt. C'était Va voir ailleurs, j'y suis, avec Sébastien Dulude. Hey, Sébastien Dulude. Toi. Sébastien Dulude, toujours aussi croustillant. Croustillant, tu sais, méchant, mais pas trop, tu sais. Je sais pas si on pouvait peut-être trouver un mot pour ça, on va s'essayer. François, tu vas dire au revoir à Sébastien pour la session. Ouais, c'est ça, exactement. Petit poète. Écoute, je suis gêné parce qu'on sait que Sébastien Dulude maîtrise les mots. C'est un poète, beaucoup mieux que moi, là. Mm. Sébastien Dulude, un grand merci pour tes grandes chroniques. Tu as pris tellement de place avec tes opinions que tu nous as pratiquement pas remarqué quand tu es entré en studio. Au vieux Dulude, quel mesquin. Merci, on se donne rendez-vous à l'automne. Hey. Au vieux Dulude, quel mesquin. C'est réussi, François, bravo. Bravo. Je pense qu'il va l'apprécier d'outre-tombe. Oups, non, il est là, il quitte le studio à l'instant. Là, non, mais c'est parce que tout de suite après sa chronique, il sort. C'est ça. Studio. Il arrive, son intro a déjà commencé, il arrive, il fait ça, on y parle pas, il s'en va. C'est les demandes qu'il avait eues. C'est ça. C'est dans son contrat. C'est ça. De mesquin. De mesquin. De mesquin. Bon. Merci encore, Sébastien. À l'automne, j'espère. Ah oui, tout à fait. Nous, on continue avec la musique de Radio Radio et on écoute une pièce qu'on n'a pas encore entendue sur leur album Havre de Grâce. Voici Sunrise All-Inclusive War Tour. Sur C'est fou. Dans vos oreilles. La propagande avant la viande, c'est qui sait dans le jour, mais c'est ton captif court. Mets ta mise pour ceux qui sont dans la boîte, je pense pas. J'ai ma veste, la veste Kevlar pour le soir quand j'attends des gros. J'ai ma veste que le veste Kevlar pour le soir quand je t'en dégros. J'ai ma veste que le veste Kevlar pour le soir quand je t'en dégros. J'ai ma veste que le veste Kevlar pour le soir quand je t'en dégros. Hello, good morning. Is everybody? Thursday, punch drunk love, son of Mona de la Vine. Hey, thanks, it's my birthday, always Thursday. Punch drunk love, son of Mona de la Vine. Hey, thanks, it's my birthday, always Thursday. Punch drunk love, son of Mona de la Vine. Hey, thanks, it's my birthday, always Thursday. Punch drunk love, son of Mona de la Vine. Fireworks on the Christmas wall. Personne n'a la job à croire. Je suis un change man, c'est la bande, salut les manics, dance. Chacun a grand bar, chaque groove, fucking soft. Guaranteed the money back, straight back à Omaha. The kicks, the quick fix, they want the weed and mix. Green card, mother card, dance mix, 96. Motard, bar, door, fortune, cookie, chips, ahoy. Diplomatic game show, game boy lingo. Peaked up, so rear view, checks on me, go. Anybody home, yeah, checks on E-sit. Checks on à la chance, c'est la grande visite. CBK, blue smile, a baseball mitt. All inclusive war tour, ticket de bouquet, group picture de la trip, c'est de toute beauté. Je sais pas exactement qu'est-ce qui reste même des monuments. Comme la porte qui porte des sentiments des musées des ans. Ça j'aime la voir comme un trois quand des trucs à faire en face. J'suis impressed, mais le best qui sait qu'il est qui reste. Oui j'avoue c'est peut-être trop, mais c'est fun des vacances. Des longues vies à voir les cars, allez boum dans le noir. Là c'est ton petit pour avoir un gros shopping mall. J'ai un cadeau pour ta mère, j'passe une partie ton père. Bunchy nice comme ça, ça peut partir ta trip. Dans ma caravane des convoy tank parade. Ma première partie de ma world tour, it all straight. La world trade get paid till la quality grade. The world trade get paid till la quality grade. Hello, good morning. Is everybody awake? I hope that you can hear me. That you can hear me. Hello, good morning. Hello. Sunrise All Inclusive War Tour featuring Poncho French sur le album Have de Grâce de Radio Radio. Hein? C'est en anglais, ça? C'est de l'anglais. Thank you, Mister. Oh, sir, yeah. My good sir. Oui, on se demandait s'il y avait du français dedans. Je pense qu'il y en avait quelques mots à l'intérieur de ça. Ouais. Fallait les chercher, je pense. Ouais. Radio Radio, excellente pièce. J'adore ça. C'est super bon, ça, pour vrai. Ouais, ça, exactement. J'aime mieux ça comme Radio Radio, ça, que leur précédent. On dirait, je commence à, ah ouais? à vraiment l'aimer, ça. Ouais. Maintenant, tiens, il nous reste encore une quinzaine de minutes à l'émission. C'est pas tant que ça. Demain, on va avoir plein d'autres chroniqueurs aussi. Donc, tu sais, on prend le temps qu'on peut pendant qu'on a le temps de jouer de la musique. C'est rare, tu sais. Hein? Ouais. En écoutant aussi cette The Whale. Oh oui, j'adore. J'adore cette The Whale. C'est ce que je disais à Danny Janvier, d'ailleurs. Danny qui anime le Dîner de con. Dîner de con, c'est quand ça déjà? C'est aujourd'hui, de 11h à 13h. Et tous les jours, du lundi au jeudi, inclusivement? Tout à fait. Wow. Tout à fait. Il me disait que lui aussi aimait bien cette The Whale. Donc, on va aller écouter ça. Et puis, après ça, Mathieu, Festival d'été de Québec, programmation est sortie, on s'en discute un peu. Oui, Skrillex, entre autres. Oui. Oui. Ça va faire plaisir d'année, ça. Ben oui. Puis nous autres, on va en jouer parce qu'on aime ça. Pogne parce que ça pogne. Comme ailleurs. Aloud. I love the idea of it. Et If Not Now When sur l'album Leaving My Empire. Ouais. Il n'y a pas de H au début de Empire, donc c'est Empire, non pas Empire. Hamburger! Hamburger? Ouais. Colin, des T'as-tu hot dogs. Matin? Oui, j'ai faim. Ouais. J'ai... Moi aussi, j'ai faim. Un petit brownie à chasse. Un petit brownie, bonne idée. Hey, François, je ne sais pas s'ils vont vendre des brownies sur place. Je pense pas. Qu'on va vendre la bière très chère. Festival d'été de Québec. Oui, exactement. Qui se déroule du 5 au 15 juillet, qui s'en vient, en fait, 2012, hein, bien entendu. Probablement. Et on commence ça, on va parler de la programmation tout d'abord, et on commence ça le jeudi, le 5 juillet. Écoute, on commence quand même relativement simple. Il y a mon oncle Serge, on peut retrouver aussi Mariem, et puis Radio Radio. Cool. Radio Radio qu'on a fait jouer ce matin, d'ailleurs. Ouais. Pour le vendredi 6 juillet, LMFEO. Faut bien qu'il y ait quelqu'un de gros là. Hein, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Samedi 7 juillet, CD and Caller. Okay. Ouais. Qu'on entend quelques fois assez fou. Pas assez souvent, mais quand même. Pas assez souvent, exactement. Dimanche, le 8 juillet, Mister Valère, Jean Leloup. Et puis, il y a aussi une petite soirée là, hip-hop, là, comme on peut voir. C'est comme genre, c'est comme? Ouais, Corias, Chaos, qui est... en fait, c'est bon. T'aimes ça, ça te plaît? Ouais. J'aime ça. Et puis, Big Boy, qui faisait partie de la formation Outkast. Donc, celui qui chante la chanson de Pampers, Je suis grand maintenant. Non? I'm a big boy now, non? Pas ça. Non, pas ça, c'est pas lui. Mathieu Plante. Non, donc c'est ça. Et puis on se retrouve le lundi 9 juillet avec la formation Bon Jovi. Je pense que oui. un des groupes favoris à Mathieu Plante. Oui, oui, oui. Et puis le même jour, en fait, plusieurs bons groupes aussi. Salomé Leclerc qu'on adore ici. Wow. Mono Grenade. Et puis un groupe que j'aime moins un peu, Pierre Lapointe et ses musiciens. J'ai un peu de difficulté avec. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un genre, mais bref, il va être là. Donc, on se retrouve mardi 10 juillet avec la formation avec Podcast. Cool. Et puis Patrick Watson, là, évidemment, je vous nomme en fait ceux qui nous intéressent. Ouais, parce que si vous écoutez d'autres radios ce matin là, qui parlent de la programmation, c'est pas exactement les mêmes noms que vous allez entendre. Non, c'est ça exactement. Pas mais je nomme quand même les gros. Oui. Et puis on se retrouve mercredi 11 juillet, Skrillex qui va être là. Oui. Une grosse formation. Ça va être un bon spectacle, ça, je pense. Ça va raser. Je pense que je vais essayer d'aller voir ça, moi. Oui. Ouais, juste pour me mettre dans l'ambiance, un show électronique. Je sais pas, peut-être. Oui, ça va crier fort là-bas. Ça ah, tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, jeudi 12 juillet, Heart of the Peace, Rose. C'est Smith. Long, tout ça? C'est long, le festival? Oui, du 5 au 15. Okay. Il y a la formation Canaille aussi, Canaille qui se retrouve sur notre palmarès. Ouais. Grimes, Ariane Moffat aussi. Les deux, oui. Tout ça le jeudi 12 juillet, donc ça va être intéressant. Et puis, ce qui nous amène au vendredi 13 juillet avec The Bar Brothers. Il y a encore un vendredi 13? On oui. Vient juste d'en avoir un. C'est fou, hein? Ben. C'est complètement fou. Hein? Donc, The Bar Brothers qui vont jouer vendredi 13 à 20h15. Puis Beyrouth à 21h30. Chinatown qu'on fait jouer ici aussi. Pascal Picard Ben. Et puis va suivre la soirée métal. Donc tu vois qu'il y a une belle variété quand même. Ben oui. Samedi 14 juillet, c'est plus punk avec la formation Mute de Québec. Et puis The Offsprings. Qui se passe de présentation, je pense. Il y a Half Moon Run aussi, qu'on connaît bien ici. Qu'on va faire jouer tantôt, d'ailleurs. Oui, exactement. Métrique, la formation Métrique. Métrique qui connaît d'ailleurs un succès assez frappant. Bref, ici, là... Ça frappe comme un maître, là, comme les professeurs dans le temps qui frappaient comme un maître. Clash! Hey, t'es gaucher, ça marche pas. Hein? Donc, ce qui nous amène à la dernière journée, dimanche 15 juillet, tu vas bien l'aimer aussi, je pense, à Marie-Pierre Arthur. Soirée clôture avec Vincent Vallière aussi. Et puis, il y a des groupes comme Grimmskunk et puis Mastodon. Ah, c'est génial. Donc, sérieux, c'est le meilleur festival, là, ça. Là. C'est, ouais, c'est pas quand... battable, ça. Ben, en tout cas. Dur, en tout cas, à battre. C'est dur. Localement, en tout cas, encore plus. Ouais, exactement. Et puis, écoute, si je suis capable de trouver ça là, rapidement, les laisser passer... pour laisser passer du festival, là, désolé. C'est 55$. Taxes et frais de service inclus, limite de 4 laissés passer par personne. Là, on parle pour le festival au complet. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il donne l'accès du 5 au 15 juillet. Il y a 150 000 laissés passer qui sont disponibles. Vous pouvez vous les procurer aussi en ligne directement ou par téléphone. Visitez le infofestival.com. Donc voilà, et c'est en vente aussi dans les métros, je pense qu'il va en avoir 60 000 laissés passer disponibles dans les métros. Donc, c'est parfait ça, j'aime ça. Excellent. Pour les enfants âgés de 0, entre 0 et 11 ans, évidemment, c'est gratuit, ça prend pas de laissés passer, toujours accompagné d'un adulte. Et puis 12 ans et plus, ça prend un laissés passer. Voilà. C'est noté, le Festival d'été de Québec au mois de juillet. Tout à fait. Merci François. Vas-y. Est-ce que tu préfères qu'on écoute une pièce, qu'on revienne pour se quitter, ou est-ce qu'on se quitte et on fait les deux pièces après? C'est pour toi. On se quitte, on met les deux pièces. Parfait, on se quitte pour une autre édition de l'Assemblage Requis. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Et demain à l'émission, on aura la présence de Jasmine Raymond-Drainville pour sa dernière chronique de la session des comptines de Jasmine. Elle qui va co-animer avec moi tout l'été, donc sûrement qu'elle va faire sa chronique aussi. Parfait. Et on va recevoir Angélie Durocher aussi qui va nous parler de l'AGE, le parti de fin de session qui s'en vient. On va peut-être glisser un mot aussi sur le groupe des médias étudiants qui va tenir son Assemblée Générale le jeudi. Et puis, on va recevoir aussi... David Ferron! À 8h30 avec Graines de Pivot, sa chronique sur la culture francophone, francophile. Restez sur nos ondes à partir de 11h, c'est Dîner de Cons avec Danny Janvier. Ensuite, il y a plein d'autres choses. Je crois qu'aujourd'hui, si je me trompe pas, on commence à rediffuser Rock Classique à 13h. Okay. Alain m'a dit que c'était le cas. Okay. Si ça n'a pas changé, ça devrait être à 13h. Oh, suivi à 19h de réanimation pour du métal et de l'horreur. Donc, profitez de la reprise de Rock Classique parce que la semaine prochaine, ça va être notre émission spéciale de fin de session, donc il n'y aura pas de Rock Classique. Ça vient, ça part, on remplit les trous, tu sais. Passez une excellente journée. François, merci. Mathieu Plante, merci. Merci à Stéphanie Gagné et Sébastien Dulut. Oui, tout à fait, merci. Merci à ces deux personnages-là. On se quitte avec deux pièces. On va entendre Metric et la pièce Gimme Sympathy et Half Moon Run avec Full Circle. Dans quel ordre tu veux ça, mon François, toi? Alors que tu veux, mon ami. Commencez relaxé. Half Moon Run. Bonne journée. Bye. Bye. Bye. Ben là. Tu voulais te le dire. Je sais bien qu'on dit 15 fois bye dans l'émission tout le temps. Bye. Hey, bye. Une fois de trop. Cop off, kneeling at the back of the church, feeling water on your brow, with its healing, it hurts at first. A sharpish pain that returns as a thought, that the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle.